ça m'enrichit quand tous ces gueux la touchent. J'ai tant creusé. Certains naissent avec les coffres, d'autres naissent avec les crochets. SFN sage comme Jim SM, t'as plus de DA, passe taille élevé. Je veux le cash qui m'évite les scènes, petit je veux du cash qui rit du mécène. On est comme toi petit, on part d'en bas, un schlass dans le bas, une barrette dans le bas. Les deux mains dans le taf, la vovo dans le cap, je fais un billet cash, le réinjecte dans le cap. Même sans vous tous on a su briller, les enfants zappés de la classe ouvrière. C'est nous bâtards, nous regarder, vas-y seulement nous demander comment faire. À l'époque on tapait dans une Citroën, je veux pas finir comme nos sœurs sous 3M. Les tarots passent de 10K à 3M, en vrai de vrai j'en ai plus rien à branler. Tu m'as vraiment payé des billets première classe pour jubiler seul devant ton diable le fioc. T'auras qu'à m'observer jouer sur ton bureau pendant que je m'enfonce ton contrat, t'as plein de merde. Bien avant que t'arrives on était déjà plein de merde. Fais pas genre tu peux nous sauver sale porte. Pas de problème s'il veut pas sauter sale porte. Et s'il arrête pas de gesticuler sale jette. Gosse prépare il arrive basqué. La Mac Marcel on appelle basqué. Commandant suis j'entends je réfuter. Chaque jour la consommation d'un député. Ça m'enrichit quand tous ces gueux la touchant en étant nécrosé. Certains naissent avec les coffres, d'autres naissent avec les crochets. V'là le super PD et la super pétasse. L'homme en blanc du CJ se coupait les couilles. J'tournais comme une toupie, j'faisais mal au crâne. J'me protégeais pas, ça les faisait serrer eux. 400 balles, la boîte de méthode je l'ai pas pris. Pour soigner les traumas, le monde sort la vovo va pris. Le Truvada me donnait envie de dégueuler. Le docteur m'a dit tu joues à la roulade, tu des IST. Certains naissent avec des cornes, d'autres naissent avec des prophètes. Si Dieu existait réellement, pourquoi il m'a laissé mourir dans les toilettes? Pourquoi on m'a touché quand j'avais 8 ans? Pourquoi mes frères s'arrachent sous 2M? Pourquoi on m'a violé quand j'avais. Certains naissent avec des cornes, d'autres naissent avec des prophètes. Oui c'est bien Sista qui tient le fauchon. Pas de fashionista en baisse ses cochons. Je vois que des lardons dans la mare debout. Je vois que des menteurs, des faux marabouts. Je ne compte même plus le nombre de fachos que j'ai eu sur ma bite quand j'étais ado. Devant sa femme, il fait le gros dur. Mais son kink à lui c'est de se prendre des tartes. J'en distribue à 7 pédales jusqu'à ce qu'il supplie pour mon cum. Crache tes lards sale merde, tu n'es qu'un pédo. Ou je te sors un jouet pas pour la déco. Je peux choquer ta femme, je peux choquer tes gosses. Dans la boîte aux lettres, si je laisse une photo. Ce fat pig me regarde, il devient penaud. Je peux le rendre alcoolique un peu comme Renault. Anxiolytique, vas-y mange sans cesse. Si t'as quitté les jets du haut du bas de scène, j'compte même plus nos gosses au fond de la chaussette. Et certains trous de balles sortent de HEC. C'est toujours Femto et son EDC. Ouvre un peu ta gorge, on va la blesser. FM, petite sœur et leur sans ID. Ici personne n'a peur de finir sans abri. Pour cette merde, on meurt. Parce qu'on était déjà mort. Déjà mort bien avant l'heure. Je vais te le répéter encore et encore. Certains naissent avec les coffres, d'autres naissent avec les crochets. Certains naissent avec des cornes, d'autres naissent avec des prophètes.